aux yeux nuit pourpre. Le néant s'en va, le sable et la foudre m'ont parlé de toi. Éclosion nuit pourpre, amoureux d'en bas, nos bouches se couvrent d'écume et de froid. L'océan rêve, l'océan rêve, l'océan rêve, alors parle-lui de moi. L'océan rêve, l'océan rêve, l'océan rêve, alors parle-lui de moi.